Ou la vida. Approche-toi de moi tout doucement. Je le vois dans ton comportement. Je sais que tes yeux et ton corps ne mentent pas. Je sais qu'on se plaît énormément. Je ne pense qu'au débordement. Ôter tous tes ornements. Je crois qu'on ne peut plus trop faire semblant. Non, je sais qu'on se plaît inversement. De ton regard me embête, me renforce et me désarme. Je vais faire couler tes lèvres, pas tes larmes. J'ai la fièvre, il fait quelque chose sous ton charme. Tu saurais me séduire, aller sans dire un mot. J'ai plein de choses à offrir, j'ai du plaisir en l'eau. Ma main sur ta peau, yeah. Ma main sur ton paume. Donne envie de t'enlever le haut sous ton charme, il fait chaud. Señorita, tes petits pas sur la musique.